Allez les gars, hein. Ah, c'est la bonne, hein. On va se faire un petit album aux oignons. On va te balancer ça du Koweït jusqu'au Canada. Et on va faire tomber l'alias, hein. Allez les jeunes, les gadgets dans les loges, tout ce que vous voulez, hein. Pas de problème, moi je vous l'assurerai. Hein, gamin, à moi la sauce, hein. Y'a de quoi devenir con, de quoi prendre le melon. Y'a de quoi avoir les chevilles enflées. Moi c'est le temps que j'ai bombé. Moi je reste simple mais faut me dire vous. Moi je reste un mange, moi je mange, m'en fous du type au Darfour du mec au chambu. Je ne suis pas fait pour l'amour, tant mieux je n'aime que les plans cul. Si mes galos, je donnerai mon blaze à des rues. Des burgers chez McDo, des pigeons chis sur mes statues. Je suis modeste et mec au mic, je tue. Connu de Paris à Brest, je fais du rap pour être vu dans les loges. J'exige le strict minimum, des glaçons de la banquise. On est riches, on fait les beaux, on s'invente une vie de grand mec. On est les champions, on vise les préados et le portefeuille de leurs parents. Car nous on fait du son, un featuring avec un inconnu, un concert dans une seule version. Façon, on caresse l'auditeur dans le sens du poids de notre but. Tu es rap français. Faites place à ma carcasse, stoppez les sarcasmes. Sortez les petits bouts de paperasse pour les autographes. J'marche avec deux gorilles car les gens me suivent à la trace. Normal, j'suis une star alors du coup j'fuis les photographes. Tout le monde m'aime, les femmes ont envie de moi. Peut-être parce que j'ai posé trois merdes sur un phonographe. Attendez, j'crois que vous avez pas compris, j'suis le patron, le boss. Et quand j'rappe votre sonogramme, si j'fais de la musique, c'est parce que c'est facile. J'me fous du public, moi j'suis là pour prendre du fric. Tous ces fans qui se fascinent quand ils me regardent, malgré tout l'amour qu'ils me portent, je reste désagréable. J'ai pas de conscience, donc je n'ai pas de cœur. Mais je m'en fous car pour être une star faut pas avoir des tatames. Je chie sur l'art, je n'ai pas de vision large. Je suis qu'un égoïste, tant mieux, et c'est pour ça que les gens m'acclament. On est riches, on fait les beaux, on s'invente une vie de grand mec. On est les champions, on vise les préados et le portefeuille de leurs parents. Car nous on fait du son, un featuring avec un inconnu, un concert dans une seule version. On caresse l'auditeur dans le sens du poids de notre but. Tu es rap français. On est riches, on fait les beaux, on s'invente une vie de grand mec. On est les champions, on vise les préados et le portefeuille de leurs parents. Car nous on fait du son, un featuring avec un inconnu, un concert dans une seule version. On caresse l'auditeur dans le sens du poids de notre but. Tu es rap français. Ils sont bons. Sans bon à rien, ouais. Allez, remballe-moi toi. Tire à rien de ça. Regarde-moi cette équipe. Allez, salut les artistes, hein. À la prochaine. Et surtout, changez rien, hein. Guignol, hein.